Très bien, alors merci beaucoup Ouda pour cette invitation à votre séminaire. Merci à tous d'être ici, d'avoir bravé la manifestation des dentistes. Il y a des combats de tous les styles, donc voilà, merci d'être venu. Et je vais commencer en rappelant ce que vous savez déjà, mais que lorsqu'on parle des États-Unis, on parle de la terre des extrêmes à tous les niveaux et également au niveau du débat sur l'islam. Quand je commençais à préparer mon topo pour cette présentation d'aujourd'hui, je me disais, mais au fond, quand on analyse certaines manifestations qui ont lieu aux États-Unis contre l'islam, on n'est même plus dans l'islamophobie, on est dans l'islamo-délire ou l'islamo-paranoïa, tellement certaines manifestations anti-musulmanes prennent une proportion très extrême. Juste quelques exemples. En 2012, deux individus dans le New Jersey ont été appréhendés parce qu'ils avaient mis au point ce qu'on appelait le X-ray plot, la conspiration au rayon X. Ils avaient construit un rayon laser qui avait pour but de supprimer tous les musulmans qu'ils croisaient sur leur chemin. Une professeure d'école primaire dans une petite ville de Floride, qui était voilée alors qu'elle écrivait au tableau, s'est retrouvée avec un petit élève derrière elle qui a brûlé son foulard. Les cochons qui sont jetés dans les mosquées, c'est très très fréquent. Les livres, les titres de livres, tous plus incendiaires les uns que les autres. Ou bien même à une échelle un petit peu plus officielle, Frank Gaffney, le leader d'un think tank dont je vais parler tout à l'heure, qui reprochait à Obama d'avoir changé le logo d'une agence qui s'appelle The Missile Defense Agency et d'avoir transformé ce logo en un logo pro-islamique. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un espèce de cercle et qui considérait que ça représentait le croissant islamique. Donc bon, une série d'anecdotes pour un peu établir le décor et pour dire à quel point on a souvent affaire à des actes isolés, certes, mais à des actes complètement qui prennent une ampleur telle que parfois quand on regarde ce qui se passe en Europe et qui n'est pas toujours bien sympathique, on a par comparaison l'impression que ce qui se passe en Europe c'est de l'eau de rose quoi, par rapport à l'extrémité que peuvent prendre ces actes isolés. On s'étonne d'autant plus de l'ampleur de cette violence que les musulmans représentent sociologiquement et numériquement une population assez différente de la population musulmane présente en Europe. Alors, en Europe, il y a des situations très contrastées, mais n'ayant que 50 minutes, j'utiliserai de ce raccourci en disant en Europe et en ne faisant pas des distinguos entre France, Grande-Bretagne, etc. Donc vous me pardonnerez pour aujourd'hui, mais les musulmans représentent aux États-Unis seulement 0,6% de la population, donc on est loin d'une quantité qui serait légitimement susceptible de faire peur. On a affaire à une population qui sociologiquement et économiquement est plutôt dans la moyenne ou dans la moyenne supérieure. On est loin du mythe de cette population paupérisée, mal intégrée, qui vit dans les marges de la société, même si y a également des musulmans pauvres. Mais disons que l'image globale qu'on peut donner des communautés musulmanes, c'est une image qui n'est pas du tout celle d'une sorte de lumpen prolétariat américain. Et en termes d'origine ethnique, de pratiques religieuses, on a là aussi une grande diversité. On a des musulmans qui sont africains-américains, on a des musulmans d'origine immigrée, mais qui sont en grande majorité américains aujourd'hui et qui ont des pratiques, des degrés de religiosité très très variés. Donc on est loin d'une communauté homogène, pauvre, menaçante. On a 0,6% seulement de la population américaine qui est musulmane et pourtant on a affaire à, depuis 2000, à peu près 2008, à une expansion très impressionnante du nombre de controverses et de scandales liés à l'islam. Juste une carte aussi pour vous indiquer à peu près où se trouvent les musulmans. Alors en rouge, c'est les zones où on a 5% ou plus de musulmans, mais vous voyez qu'il n'y a pas tant de poches de 5% ou plus. Et vous avez de grandes zones où vous avez moins de 0,1% de musulmans dans les États. J'ai rapidement écouté l'intervention de Nona Meyer qui était venue vous parler il y a deux jours. Vous allez voir mon propos, mon approche est différente puisque j'ai pas construit mon propos à partir d'une enquête, etc. Mais ce qui m'a intéressée dans ce qu'elle disait, c'est qu'elle disait qu'en France, c'est à partir de 2010, il me semble, qu'on voit vraiment se multiplier, augmenter l'intolérance à des attitudes intolérantes à l'égard de l'islam. Et ça m'a frappée parce qu'aux États-Unis, c'est pareil, pour des raisons peut-être différentes, mais pas forcément, enfin on pourra en reparler. C'est vraiment 2008-2010 où on voit basculer le narratif anti-musulman aux États-Unis. Autant à partir de 2001, on a certes, sous l'effet des attentats du 11 septembre, un backlash anti-islam. C'est vraiment avec l'élection du président Barack Obama, avec la montée en puissance des Tea Party, avec le changement de configuration de la droite radicale aux États-Unis, qu'on voit se multiplier les controverses américaines à propos de l'islam comme problème intérieur. C'est-à-dire que de 2001 à 2008, l'islam, certes, pose problème, et on parle de ça dans les débats publics, mais c'est toujours l'islam, c'est quand même la menace extérieure, c'est la menace terroriste en Irak, c'est l'étranger qui vient chez nous. Mais à partir de 2008, le basculement est tel que c'est vraiment l'islam comme menace intérieure qui menace notre nation, notre territoire, notre identité. Et ça, c'est un peu la nouveauté que j'étudie dans ce livre. Alors, dans... On peut peut-être le faire passer Oui. Ouais, ça bien. Ah oui, je vais faire passer la feuille aussi, présence. Continue. Alors, certains livres sont parus ces dernières années pour essayer d'analyser ce phénomène de l'islamophobie ou des phénomènes anti-musulmans aux États-Unis. Deux livres en particulier, les deux premiers, Shihi et Kumar, prennent le phénomène de l'islamophobie à partir de la notion d'empire, en disant que l'islamophobie, c'est finalement l'expression du projet, de l'idéologie impériale qu'ont eu les États-Unis depuis 2000 ans, mais en fait bien avant, depuis la guerre froide, voire même depuis le 19e siècle. Ce sont des approches qui ont leur intérêt. Je trouve que parfois elles ont un peu comme problème d'avoir une approche tellement généralisante, c'est-à-dire en disant l'islamophobie c'est l'empire, qu'elle nous laisse un peu sur notre faim quand on a envie de savoir plus concrètement pourquoi certains groupes sont tellement hostiles aux musulmans, etc. Mais bon, c'est une approche qui est assez... qui se développe, beaucoup de livres apparaissent autour de cette question islamophobie empire. Un autre axe d'analyse pour aborder ce phénomène de l'islamophobie, c'est par la relation qui est établie entre impérialisme, islamophobie et racisme. Là, je vous renvoie au livre assez stimulant de Souhel Dolatsay, qui explique dans ce livre paru en 2012 comment l'héritage de Malcolm X nous amène à réfléchir aujourd'hui à la façon dont l'islamophobie est une expression du racisme et du lien très fort, presque originel, entre impérialisme et racisme, entre un projet américain d'expansion impériale dans le monde et une conception raciste de la citoyenneté nationale. Donc ce sont quelques exemples des approches qui nourrissent le débat sur l'islamophobie aux États-Unis. Avant de poursuivre, je voudrais quand même mettre quelques mises en garde lorsqu'on essaye de réfléchir à ce phénomène de l'islamophobie aux États-Unis, parce que les phénomènes qu'on essaye d'étudier, les phénomènes de manifestations anti-musulmanes dont je vais parler tout à l'heure, se fonde sur une série de lignes théoriques qui se mélangent un petit peu lorsqu'on parle d'islamophobie, et ce n'est pas toujours évident de savoir de quoi on parle exactement. L'islamophobie renvoie en fait, enfin l'islamophobie comme phénomène réel qu'on a sous les yeux, renvoie à toutes sortes d'histoires aux États-Unis. Premièrement, ça renvoie à l'histoire du pluralisme religieux, de la constitution difficile, tragique, douloureuse du pluralisme religieux aux États-Unis. Les États-Unis sont souvent présentés comme la nation du pluralisme religieux qui est née pour défendre le pluralisme religieux. C'est vrai et c'est pas vrai, c'est-à-dire que oui, la notion de liberté religieuse était très forte au moment de la fondation de la nation américaine, mais quand vous regardez l'histoire des États-Unis, tous les groupes religieux, les mormons, les catholiques, les juifs, ont eu à un moment donné affaire à des manifestations très fortes de haine, de rejet. Souvent, dans mes interviews, quand je consultais les acteurs politiques ou religieux pour leur demander leur avis sur les raisons du rejet des musulmans aujourd'hui, on me disait « oui, mais bon, ça fait partie du processus d'acceptation aux États-Unis. Bon, d'abord, on se fait exclure et puis petit à petit, on gagne sa place ». Donc, l'histoire de l'islamophobie, elle renvoie d'une part à cette histoire-là. Mais elle renvoie également plus spécifiquement à l'histoire du premier amendement et aux multiples conflits autour de l'interprétation du premier amendement de la Constitution qui garantit la liberté d'expression et également la liberté religieuse et le non-établissement d'une religion. Et là encore, les Américains se sont battus depuis l'adoption de leur constitution autour de l'interprétation de ce premier amendement. Donc là, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais l'islamophobie renvoie aussi à cet héritage-là. La question de l'islamophobie renvoie également à l'héritage très complexe des débats sur race et religion. L'histoire de l'islam africain-américain, des anciens esclaves et ensuite des Noirs américains, est une histoire qui est assez complexe dans la mesure où on a souvent, beaucoup de chercheurs de l'islam noir américain ont eu tendance à dire que cet islam noir était un islam de résistance, c'est l'islam de déclassés, l'islam des prisons, etc., sous-entendant d'une certaine façon qu'au fond l'islam noir n'était pas tout à fait comme l'islam des gens d'origine immigrée, que c'est pas forcément une religiosité aussi orthodoxe, et peut-être que ce n'est pas forcément une religion aussi authentique. Ce type de distinguo entre l'islam pas vraiment religieux des Noirs américains et l'islam des autres Américains est maintenant remis en cause dans des travaux plus récents. Mais cette complexité dans la question de savoir où est-ce qu'on met la frontière entre expression de résistance à une forme de racisme historique et expression religieuse est elle aussi très complexe et se retrouve dans les débats sur l'islamophobie. Les débats sur l'islamophobie renvoient également à une autre problématique, une autre histoire compliquée qui est celle des rapports complexe et ambigu entre le monde académique, le monde politique, le monde médiatique aux États-Unis. On ne peut pas comprendre la production du discours islamophobe aujourd'hui si on ne s'intéresse pas à l'infrastructure, à la façon dont sont établis les rapports entre universités, monde de l'expertise politique, monde politique, monde médiatique. J'y viendrai dans un instant, mais le discours islamophobe, il n'est pas né comme ça. Il y a des gens qui sont inscrits dans des champs particuliers, qui produisent ce discours en alliance ou contre certains autres discours. Donc là aussi, l'islamophobie renvoie à toute cette problématique-là. L'islamophobie renvoie également à la problématique de la politique étrangère américaine, tout le débat sur l'impérialisme, la lutte contre le terrorisme. Et je termine avec un dernier point. Là, pour comprendre l'islamophobie aujourd'hui, il faut aussi aller regarder ce qui se passe depuis 2005 à peu près et le changement très important de configuration de la droite radicale américaine. Une sorte d'évolution assez nette depuis la moitié des années 2000 qui va vers une fragmentation de plus en plus grande de la droite radicale, une individualisation de plus en plus grande de cette droite, avec l'arrivée, la multiplication des petits mouvements de droite radicale dirigés par des individus un peu autodésignés comme prophètes ou comme un peu des fous solitaires qui ont par exemple comme projet de faire les rayons X contre les musulmans. Voilà, donc ça, c'est une espèce de prolifération de ces petits mouvements. Et ça aussi, ça doit être pris en compte si on veut comprendre l'islamophobie. Alors, pardonnez-moi pour cette liste un peu fastidieuse qui, en plus, n'est sans doute pas très exhaustive. Je pense qu'on pourrait, la prolonger. Mais j'ai tenu à préciser ça pour vous donner une idée de à quel point la problématique de l'islamophobie renvoie à des problématiques très diverses, qui sont complémentaires, mais qui sont très diverses. Et c'est en ce sens, enfin, c'est Bouddha qui, dans ton article, tu parles d'approche par l'intersectionnalité. Je pense que, pour le coup, là, c'est vraiment pertinent. J'aurai pas le temps, dans le temps qui me reste, d'aborder l'islamophobie par le biais de tous ces prismes. Je ne sais même pas si c'est faisable dans le cadre d'un seul ouvrage. C'est plutôt un travail, à mon avis, d'équipe, de collectif. Donc moi je vais vous parler plutôt de la façon dont j'ai choisi d'aborder l'étude de ces mouvements anti-musulmans dans mon livre. Et le choix que j'ai fait était d'essayer de comprendre ce que ces mouvements anti-musulmans nous disent d'un certain état de la démocratie libérale en Amérique aujourd'hui. J'ai essayé de rapporter l'étude de ces mouvements musulmans à l'étude d'un certain état de la démocratie, à la façon dont une certaine partie des publics américains conçoivent la démocratie et le libéralisme et le sécularisme. Donc ma question, ce n'était pas le pensum habituel, est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie et pourquoi l'islam pose problème avec la démocratie, mais c'est à travers l'islam, à travers ces débats et ces mouvements anti-musulmans, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la haine de la démocratie, du libéralisme et du sécularisme de certains mouvements américains. C'était un peu ça ma question. Et le prisme, l'accroche qui m'intéresse, c'est plutôt d'essayer de comprendre à travers ces mécanismes de rejet, d'altérisation, enfin de othering en anglais, ce que ça nous dit sur la création d'un collectif américain qui est pluriel, divisé, fragmenté, et qui se déchire autour des interprétations, de l'interprétation de la nation, de l'identité, de l'histoire, de la Constitution américaine. Juste pour information, des livres qui m'ont inspiré, qui m'inspirent beaucoup dans cette réflexion sur les mouvements anti-musulmans, qui ne qui n'utilisent pas forcément le concept d'islamophobie, mais qui apportent, je pense, des choses intéressantes pour réfléchir à cette question. C'est ce livre d'histoire de l'historienne Denise Spellberg, Islam and the Founders, Jefferson's Quran, dans lequel elle montre comment, dès le XVIIIe siècle, les pères fondateurs américains ont eu une réflexion sur l'islam, se sont intéressés à la question de savoir si, théoriquement, les musulmans auraient le droit d'avoir des droits civils dans la nation américaine. Et elle montre, elle fait une distinction intéressante pour montrer à quel point, à travers toute l'histoire de la fondation américaine, on a toujours cette alternance entre le regard sur l'islam et le regard sur les musulmans, avec un Jefferson qui a un regard très critique sur l'islam, qu'il reprend de Voltaire en disant « l'islam, c'est la... Mohamed est un imposteur, c'est la religion, c'est une fausse religion, bon, les poncifs orientalistes habituels », mais quand même, il reprend des thèmes de Locke en disant « mais cela dit, dans notre nation en train de naître, il faut accorder des droits civils à tout le monde, y compris aux païens, aux juifs et aux musulmans ». Et je trouve que cette histoire, en fait, du mouvement fondateur de la nation américaine est assez importante pour nous aider à réfléchir également aux controverses actuelles. Parce que, justement, je pense que dans l'étude des controverses actuelles sur l'islam, parfois on souffre un peu de présentisme, c'est-à-dire on fait comme si les gens s'étaient posé cette question depuis 2001 ou à la rigueur depuis 89, et bon, c'est vrai, mais c'est bien des fois d'avoir aussi recours au service des historiens pour nous rappeler qu'il y a toute une histoire de ces débats et que l'islam n'est pas quelque chose à quoi les gens ont commencé à réfléchir en Occident en 2001 ou en 89 en France, mais bien avant. Une autre source de réflexion intéressante, c'est ce livre de Zarina Greval, Islam is a Foreign Country, American Muslims and the Global Crisis of Authority, dans lequel elle s'intéresse à la façon dont les musulmans américains aujourd'hui essaye d'établir, de se servir de la référence à l'islam pour construire une sorte, ce qu'elle appelle un contre-récit, se servent de l'islam comme une sorte de catégorie utopique pour établir un contre-récit à une sorte de définition normative de la citoyenneté américaine. Et l'islam apparaît chez elles comme une catégorie utopique parce que ça leur permet d'établir sans arrêt un lien entre l'histoire américaine et la communauté musulmane mondiale. Ça leur permet par ce biais de proposer une définition de la citoyenneté américaine qui n'est pas simplement enracinée dans une certaine histoire du protestantisme blanc, on va dire, mais qui va chercher des sources d'inspiration dans la communauté mondiale. Et là encore, le point commun avec Spellberg, c'est qu'elle aborde la question de l'islam, etc., à partir de la question de la construction d'un « nous » pluriel, pas seulement à partir de la question de « nous et les autres ». Et c'est ça que je trouve particulièrement stimulant dans ces deux travaux. Je vais dans cette présentation faire trois choses, vous donner un état des lieux rapide des acteurs de l'islamophobie. Dans un deuxième temps, je vais vous donner un exemple concret de la façon dont ces acteurs produisent des effets concrets. Je vous parlerai du mouvement contre la charia, des différents projets législatifs qui ont été mis en place depuis 2010. J'évoquerai dans un troisième temps très rapidement les controverses des mosquées pour essayer de vous faire part de la particularité de l'argumentaire anti-mosquée. Et je terminerai en disant quelques mots sur la façon dont ces arguments anti-islam apparaissent également dans le champ de la justice préventive, en évoquant le cas du procès d'un individu accusé pour accusé de soutien matériel à une conspiration terroriste. Donc, état des lieux rapide, premier point. Deuxième point, le mouvement anti-charia. Donc, ça vous donnera un cas au niveau de législatif. Les mosquées, c'est le débat public. Et le procès Mehanna, ce sera une occasion de réfléchir aux conséquences de l'islamophobie dans le champ de la justice. Alors, deux rapports sont parus en 2011 et 2012 qui sont très complets et auxquels je vous renvoie si vous voulez des chiffres, des statistiques, des données sur l'islamophobie aux États-Unis. Center for American Progress est un think tank de centre gauche basé à Washington qui n'est pas un think tank musulman, mais de gens qui ne revendiquent aucun lien à un parti ou à une religion particulière, qui a publié ce premier rapport en 2011. Et en 2012, CARE, Council on American Islamic Relations, qui est une des principales organisations de défense des droits civils américains, des musulmans américains, a également publié un rapport sur l'islamophobie. Alors, les deux définitions proposées par les rapports de l'islamophobie se complètent. Je vous laisse lire. Je pourrais vous faire passer le PowerPoint si vous voulez, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Alors, j'ai repris un schéma qui, je ne sais pas si vous voyez très bien. Bon, bref, de toute façon, vous pouvez y accéder en ligne dans ce premier rapport du Center for American Progress. Alors, vous voyez peut-être pas très bien ce qu'il y a écrit, mais c'est ce que le CAP appelle le mégaphone de l'islamophobie, en voulant insister sur cette idée que l'islamophobie ne tombe pas de nulle part, mais qu'elle est véritablement l'œuvre d'un certain nombre d'organisations qui œuvrent à diffuser un certain nombre d'idées et qui, pour ce faire, donnent beaucoup d'argent. Donc c'est vraiment la contribution importante de ce rapport du CAP, c'est d'avoir épluché tous les déclarations d'impôts qui sont publiques d'un certain nombre de fondations philanthropiques américaines pour voir à qui elles donnent de l'argent et pour quelle cause. Et le rapport a bien mis en évidence que l'islamophobie, c'est d'abord une grosse machine à sous. Si vous voyez ici ou là dans les journaux, à la télé ou des manifestations anti-musulmanes, c'est que derrière il y a un certain nombre d'acteurs bien identifiés qui ont pour mission de diffuser ce type d'argumentaire. Donc la première case, la petite, ce sont les financiers, puis ensuite ce qu'ils appellent les experts de la désinformation, puis la chambre d'écho de l'islamophobie. Ils ont cette idée que ça fonctionne comme ça. Pour ce qui est des fondations, ils ont détail 7, pour la période 2001-2009, et en fait c'est à peu près pareil pour la période 2009-2013, mais ça augmente même. Ces 7 fondations qui sont présentées dans le rapport ont dépensé 42 millions de dollars pour la cause anti-musulmane. Alors cet argent va à des think tanks, à des médias, à des experts, à des manifestations, sert à financer des campagnes d'affichage. Par exemple, en 2012, il y avait une campagne d'affichage sur les bus et les métros de Washington, de San Francisco, où il y avait marqué des choses genre l'islam c'est le djihad ce genre de choses. Voilà, cet argent sert à financer tout ce type d'initiatives qui sont avant tout mises en place par ce que le CAP appelle les experts de la désinformation. Alors, par exemple, Franck Gaffney, que j'évoquais en introduction à propos de l'histoire du logo du missile. Franck Gaffney, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière comme anticommuniste féroce. Il était adjoint du secrétaire à la défense dans l'administration Reagan en 1987. Et puis, après la fin de la guerre froide, il s'est très vite reconverti en reprenant un peu le raisonnement anticommuniste, mais en disant maintenant l'ennemi, ce n'est plus l'ennemi communiste, mais l'ennemi islamiste, et en diffusant à travers des sites internet, des journaux, etc., cette idée selon laquelle on doit maintenant lutter contre l'ennemi de l'intérieur, qui est le musulman caché, qui s'apprête à préparer la subversion et à conquérir le pays. Franck Gaffney est à la tête d'un think tank qui s'appelle The Center for Security Policy, qui a reçu à peu près 4 millions de dollars de ces diverses fondations. Et qui publie régulièrement des rapports, organise des conférences autour du thème de la menace islamique aux États-Unis. Vous avez comme autre expert de la désinformation, par exemple, David Yerushalmi, que vous voyez ici à droite, qui est un avocat basé à Brooklyn, qui a créé cette association Society of Americans for National Existence, qui s'est illustrée par ses propos non seulement contre les musulmans, mais également contre les noirs, les femmes, en disant que les noirs et les femmes ne devraient pas avoir le droit de voter, qui est un proche, un allié et un avocat Pamela Geller, qui est une autre activiste et experte anti-musulmane, qui a créé cette association qui s'appelle Stop Islamization of America, association qui a organisé plusieurs manifestations anti-mosquées et anti-charia à travers les États-Unis. Brigitte Gabriel, qui est à gauche, c'est une Américaine d'origine libanaise qui a créé une industrie personnelle autour du thème de son enfance, comme quoi au Liban, elle et sa famille ont été persécutées par des musulmans. Et de ce témoignage, elle dérive vers la théorie selon laquelle l'islam est une religion de la violence, surtout contre les femmes. Et elle a créé une association qu'on appelle Grassroots, c'est-à-dire qui agit essentiellement au niveau local, et qui, donc Act for America, qui a pour vocation de sensibiliser le public américain à la menace islamique. Donc si on revient à la dernière partie du mégaphone, le rapport propose quatre catégories d'acteurs: la droite religieuse, les médias, les acteurs politiques, donc un certain nombre de représentants, et ce qu'elle appelle les organisations grassroots. Donc là, par exemple, Act for America est situé dans cette catégorie, et Act for America a été vraiment très très actif dans la diffusion du message islamophobe. Et la façon dont fonctionne Act, c'est qu'elle organise des séminaires, pas des séminaires comme nous ici, mais des séances d'entraînement, de training, c'est-à-dire où des gens viennent pour savoir si je rencontre un musulman, qu'est-ce que je lui dis, comment j'agis. Donc c'est plus à destination pratique. Et ACT a en fait un succès, c'est pas forcément une des organisations qui a le plus d'argent, mais c'est une qui est les plus actives parce que les plus implantées, y compris dans les zones. Montré tout à l'heure, vous avez 0,1% musulmans, mais voilà, qui connaît un succès assez important auprès d'un public, par exemple, de retraités blancs, un peu de droite, qui viennent pour s'entraîner. Voilà, alors... Je ne vais pas évoquer tous les acteurs en détail parce qu'on pourrait y passer des heures, mais c'était juste pour vraiment essayer d'établir cette idée qui est que l'islamophobie, c'est pas simplement un sentiment un peu comme ça que peuvent avoir des personnes, c'est vraiment une industrie avec de l'argent, des acteurs identifiés et ensuite un système de diffusion. Qui évidemment dépasse parfois les intentions des initiateurs, mais que c'est pas quelque chose qui naît au hasard. Cela dit, il importe également de rappeler que l'islamophobie, tout en se propageant et en étant bien financée, ne va pas sans résistance. C'est-à-dire que j'ai commencé en disant les États-Unis, c'est la terre des extrêmes, etc. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi la terre de la critique et de la résistance à ces extrêmes. Donc, pour donner un tableau juste de la situation, il faut quand même insister sur le fait que toute cette expansion des controverses anti-musulmanes a eu aussi un effet positif qui est la mobilisation au-delà des communautés musulmanes. Les non-musulmans se sont aussi réveillés et ont décidé de prendre la parole, de produire des contre-rapports pour démentir les propos établis par les experts de la désinformation, pour défendre les droits civils des musulmans. Donc cette résistance et ce contre-discours apparaît au niveau de l'expertise, donc le CAP, Center for American Progress, ou le Southern Poverty Law Center, qui est un institut de recherche qui travaille plutôt sur les questions de race, de discrimination sociale, raciale, économique, mais qui a produit des rapports très très intéressants sur cette question des mouvements anti-musulmans. Et qui dont les membres se sont souvent mobilisés très activement pour défendre des groupes musulmans dans Tennessee, en Floride par exemple. Les organisations musulmanes américaines, bien sûr, donc CARE et MPAC par exemple, de Muslim Public Affairs Council, qui sont deux des plus connus pour la lutte pour le respect des droits civils des musulmans. La CLU, les médias. Pas seulement les médias communautaires, mais des médias plus universels, on va dire, qui régulièrement se moquent, tournent en dérision, dénoncent ces arguments anti-musulmans et des experts comme Gaffney. Et puis, je voudrais également évoquer ce phénomène qui est un peu une réaction à l'expansion du discours anti-musulman, qui est le phénomène du New Muslim Cool. C'est quelque chose qui tourne autour du fait que être musulman, c'est certes être l'objet de toutes sortes d'amalgames, de critiques, mais c'est aussi devenu une manière d'incarner une forme de position critique par rapport à un certain nombre de politiques américaines. C'est une manière d'être et cela rencontre un certain succès auprès de certaines parties du public américain, notamment dans ce qu'on appelle la génération du millénium. Et d'ailleurs, quand vous regardez les statistiques, les sondages d'opinion par tranche de génération, c'est très intéressant de voir que dans les générations plus jeunes, même quand les groupes sondés sont les groupes plutôt conservateurs ou républicains, les préjugés anti-musulmans ont tendance à être inférieurs à ceux des générations plus âgées. Quelques exemples de ce New Muslim Cool, un film documentaire que vous avez peut-être vu qui est paru en 2004, qui raconte l'histoire de ce personnage, Hamza Perez, qui est un ancien catholique latino qui s'est converti à l'islam en prison, et ça raconte l'histoire de son de sa sortie de prison et comment il devient un peu le conseiller de ses amis du quartier en essayant de les convertir en leur à travers des disques de hip-hop islamique. Et c'est un personnage qui apparaît comme à la fois cool et à la fois très américain, finalement. C'est l'histoire du bad boy qui est rentré dans le droit chemin, mais qui reste quand même un peu critique et qui arrive à encourager ses amis de son quartier à retrouver eux aussi le droit chemin. L'humour aussi a une place dans la lutte contre l'islamophobie. Alors ce groupe de Muslims Are Coming, qui est un groupe de stand-up comedians à New York, qui a fait un tour dans tous les États-Unis pour faire des sketchs en se moquant des réactions de peur des Américains. Donc, vous voyez, c'est rouge, c'est plus la menace soviétique mais la menace islamique. Plus sérieusement, ce documentaire qui est paru sur HBO, donc qui est un peu l'équivalent de Arte aux États-Unis, donc une chaîne très respectée, non communautaire, qui propose une série de documentaires sur... c'est l'histoire de ce petit garçon, c'est un télé-réalité, quoi, qui subit des remarques et des attitudes islamophobes régulièrement dans sa vie quotidienne. La télé le suit dans sa vie quotidienne pour montrer les effets de ces attitudes de rejet sur son développement personnel. Voilà, donc certes, il y a une différence de rapport de force entre ces contre-discours et la machine que j'ai décrite, mais c'est quand même important de prendre cela en compte quand on veut donner une image un peu complète de la situation. Alors, un exemple de la façon dont tout cet argent-là et tout cet activisme des fondations et des experts dont j'ai parlé se manifeste, c'est le mouvement anti-charia qui est né en 2010 aux États-Unis. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un mouvement qui est entièrement manufacturé par un certain nombre d'organisations et qui a pour un peu acte de naissance le discours de quelqu'un qui s'appelle Newt Gingrich, qui était un candidat proche des néoconservateurs, alors candidat à la présidence, et qui fait un discours dans un think tank néoconservateur qui s'appelle American Enterprise Institute, et dans lequel il dit l'islam est en danger pour les États-Unis, ce qu'il faudrait, c'est faire une loi fédérale pour interdire toute référence à la charia dans les tribunaux américains. Alors vous allez me dire pourquoi. Parce que, de fait, la charia n'est jamais citée dans les tribunaux américains. Mais Gingrich va quand même réussir à faire passer, Gingrich et ses alliés vont réussir à faire passer cette idée selon laquelle il y a une infiltration de la menace islamique, mais qui menace quoi exactement? Et c'est ça qui est intéressant et qui fait, je pense, la spécificité, une des spécificités du cas américain par rapport à l'Europe, ça menace la constitution américaine, ce qui in fine, ce qui doit être protégé, c'est la constitution, c'est la survie de la constitution qui est menacée par l'islam. Alors, le prétexte qu'ils vont mettre en avant, les gens qui adhèrent à ce discours, c'est l'affaire suivante qui a eu lieu dans le New Jersey en 2009, qui concerne une femme d'origine marocaine qui va porter plainte parce que son mari l'a violée en disant, mari également d'origine marocaine, en disant « j'ai le droit, c'est ma liberté religieuse, l'islam m'autorise à disposer de ma femme selon mes désirs ». Et le juge, dans ce premier cas, va dire « ah ben oui, liberté religieuse, argument valable, au revoir ». Bon, mais la femme fait appel. Et la décision du deuxième juge de la cour d'appel sera de dire que cet argument de la religion, de la liberté religieuse est irrecevable, que c'est inadmissible et qu'on ne peut pas invoquer la liberté religieuse pour n'importe quoi et qu'en l'occurrence, le mari doit être puni. Donc, on peut considérer que cette affaire exprime une erreur du premier juge, mais qui a pu être rectifiée par le second. Donc, même si on peut se scandaliser de la décision du premier juge, on peut quand même conclure qu'au bout du compte, ce que montre cette affaire, c'est que la justice marche à peu près correctement, puisqu'il y a eu possibilité de faire appel au bout du compte, le mari a été puni. Mais les membres du mouvement anti-charia omettent de raconter cette deuxième partie de l'histoire et disent « Ah, vous voyez, c'est le signe que l'islam est en train d'envahir les tribunaux américains et qu'on ne peut plus réfléchir selon nos standards à nous, mais que maintenant un juge est capable de respecter l'islam et de ne pas agir conformément à nos principes. » Alors, un certain nombre d'individus vont continuer à développer cette idée, qui est parfaitement résumée dans ce propos d'un activiste ancien militaire qui est désormais à la retraite et qui dit « L'islam n'est pas une religion, c'est un système légal, un mode de vie totalitaire, un code moral, un système militaire et... » point le plus important, l'islam ne devrait pas être protégé par le premier amendement. C'est là que, c'est ça le nerf de la guerre du mouvement anti-charia, c'est qu'ils ne supportent pas que les musulmans américains disent on a le droit de construire des mosquées, on a le droit d'avoir de la viande halal, on a le droit à ceci, cela, parce que c'est le premier amendement qui garantit le libre exercice de la religion. Et selon les membres du mouvement anti-charia, le premier amendement ne devrait pas protéger les musulmans. Il y a vraiment cette idée que les musulmans sont non seulement des dangereux individus, etc., mais ce sont des profiteurs. C'est un peu le même argumentaire qu'un grand nombre de membres du Tea Party contre les gens qui veulent avoir le Obamacare. C'est l'idée, c'est des free riders. Pourquoi moi je vais payer mes impôts pour que lui, il ait une sécurité sociale? Et il y a un peu le même type de raisonnement. Pourquoi est-ce qu'on a, nous, notre premier amendement et les musulmans qui sont des étrangers vont en profiter? Cette idée, ça a été développée en détail dans ce rapport du Center for Security Policy, le think tank de Frank Gaffney que j'évoquais tout à l'heure, qui a pour titre « Sharia, the threat to America ». Je dois expliquer le sous-titre « An exercise in competitive analysis report of Team B2 ». Alors, ça fait allusion à un rapport qui avait été rédigé pendant la guerre froide par une équipe B également, mais qui avait été, qui avait acquis George Bush, père, qui était à l'époque directeur de la CIA, avait confié comme mission d'écrire un rapport pour contredire l'évaluation officielle alors de l'administration qui visait à justifier la politique de détente. Et Bush avait dit « Non, mais c'est pas possible, il faut pas qu'on aille vers une politique de détente. Faites-moi un rapport pour prouver que l'Union soviétique reste une menace très importante. » Donc c'est intéressant que ce rapport prenne un titre qui, en fait, fait écho directement à une logique de guerre froide. Là aussi, il s'agit d'aller contre l'évaluation officielle de Obama, qui consiste, selon ses détracteurs, à dire que bon, les musulmans font partie de l'Amérique, ne sont pas un danger, et de dire au contraire, attention, warnings, il faut absolument mettre en garde le public américain contre la menace de l'islam. Un passage de ce rapport de 177 pages est intéressant. Notons que nous, le peuple, we the people, premier mot de la Constitution, créer la Constitution. La Constitution ne crée pas nous, le peuple. Bon, on ne va pas s'engager dans un grand débat de théorie politique ici, mais dans le cadre de ce rapport, cette phrase n'est pas anodine. Elle vise vraiment à dire que l'idée que les musulmans américains font partie de « we the people » est tout à fait inacceptable. le rapport continue en expliquant ce que je vous avais dit tout à l'heure. La charia est une doctrine qui impose le gouvernement d'Allah, qui est contraire à l'esprit de la liberté religieuse et établi par le Virginia Statute of Liberty. Donc, j'ai écrit deux fois. Un certain nombre d'acteurs, de think tanks, de lobbies, par exemple l'American Public Policy Alliance, qui est un lobby d'avocats conservateurs, l'American Center for Law and Justice également, vont développer cet argument, chacun dans leur zone d'influence respective, si bien qu'au bout d'un moment, cet argument selon lequel, un, l'islam n'est pas une religion, mais une idéologie totalitaire, et que deux, et par conséquent, les musulmans ne peuvent pas revendiquer la protection du premier amendement, va vraiment se banaliser dans un certain nombre de cercles d'avocats, de juristes, d'acteurs politiques. Le premier acte qui va concrétiser ce mouvement anti-charia, ça se passe lors des élections de mi-mandat de novembre 2010 dans l'État d'Oklahoma. Lorsque va être mis au vote avec une série de questions qui concernent toutes sortes de problèmes des habitants de l'État d'Oklahoma, la question suivante: est-ce que vous voulez, oui ou non, que l'on rajoute cet amendement à la constitution de l'État d'Oklahoma, cet amendement qui prévoyait d'inclure dans la constitution le texte suivant: les tribunaux ne prendront pas en compte les préceptes d'autres nations ou cultures, et plus spécifiquement, les tribunaux ne prendront pas en compte le droit international ou la loi de la charia. Donc spécifiquement, le projet d'amendement propose de bannir toute référence à la charia. Immédiatement, le porte-parole de l'association locale de CARE, de Council on American Islamic Relations, porte plainte en disant que si cet amendement est certifié... Ah, j'ai oublié de dire, point très important, 70% des électeurs d'Oklahoma votent pour cet amendement, en disant oui, nous voulons supprimer la référence à la charia dans les tribunaux de l'État d'Oklahoma. Juste en passant, dans toute l'histoire de l'État d'Oklahoma, on n'avait jamais fait référence à la charia dans les tribunaux. Mais bon, c'est un détail. Mais donc, Munir Awad porte plainte et dit « Je n'accepte pas que l'on certifie cet amendement, parce que si on le certifie, c'est contraire à ma liberté de musulman d'exercer ma religion comme il convient. » Et au terme d'une première étape de cette affaire, la juge de district de l'État d'Oklahoma va donner raison à Munir Awad et donc aux musulmans de l'État en disant en effet qu'elle s'oppose à la certification de cet amendement, qu'elle refuse donc que ce soit rajouté dans la Constitution, en disant c'est pas parce que vous avez 70% des gens ont voté pour que c'est démocratique, cohérent avec le bien public et les idéaux de la démocratie américaine. Je trouve ce passage du jugement particulièrement intéressant, dans lequel elle dit ceci: tout au long de l'histoire de notre pays, la volonté de la majorité est entrée en conflit avec les droits des individus. Ensuite, elle fait référence au Bill of Rights et elle dit ceci: le droit à la vie, à la liberté, etc., etc., ne peuvent être soumis au vote. Ils ne dépendent du résultat d'aucune élection. Et la raison pour laquelle j'insiste sur cela, c'est parce que ce qui me paraît important dans cette histoire de l'Oklahoma, c'est qu'on n'a pas affaire simplement à une opposition entre des islamophobes et des non-islamophobes, mais on a vraiment affaire à une opposition entre deux conceptions de la démocratie. Une conception populiste, qui est celle des gens qui militent pour la certification de l'amendement, qui disent « on a voté pour, on a fait un référendum, 70% veulent qu'on inclue cet amendement ». Et donc voilà quoi, fin de la discussion. Et la juge qui dit « oui, ben, c'est pas tout de voter, il faut encore que ce soit cohérent avec un certain nombre de principes fondateurs de la nation américaine », et là, ça ne l'est pas. Donc, fin de la discussion. Et les gens, enfin, la commission électorale de l'Oklahoma va dire « ah, ben, c'est le signe que nous sommes sous la dictature des juges », ce qu'on thème de la juristocratie, et ça, ce thème de la juristocratie, de la critique de la dictature des juges est tout à fait cohérent avec l'argumentaire du Tea Party qui est on est en plein dans la période où le Tea Party est en train de est toujours assez assez puissant. Donc voilà, je vous disais tout à l'heure que moi, ce qui m'intéressait dans cette recherche, c'était de voir ce que ces mouvements anti-musulmans nous disent aussi des conflits à propos de la démocratie et des conflits d'interprétation à propos de la démocratie. Et là, on a vraiment un cas très clair qui illustre cette opposition. C'est pas simplement un débat à propos de l'islam, mais c'est aussi un débat à propos de ce que doit être la démocratie et de qui est la source légitime d'autorité dans la démocratie. Bon, je m'arrête pour le cas de l'Oklahoma, mais finalement, les musulmans ont eu gain de cause et l'amendement n'a pas été certifié. Mais les membres de ce mouvement anti-charia ne se sont pas arrêtés là et ont compris, ont tiré les leçons de leurs erreurs. Leur erreur, c'était quoi? C'était d'avoir eu la bêtise, en fait, de cibler spécifiquement la charia. Parce que là, la juge pouvait dire on ne peut pas cibler spécifiquement la charia et le droit islamique parce que c'est discriminatoire. Il y a une seule religion qui est visée. Bon, c'était un peu le même débat qu'on avait eu en France en 2004, et c'est pourquoi on avait rajouté qu'on n'interdisait pas juste le voile, mais aussi la croix et tout ça. Alors, ils vont tirer les conclusions de leurs erreurs en disant « Très bien, on va formuler un autre texte qui ne vise pas spécifiquement la charia, mais qui est celui-ci. » Donc, American Law for American Courts, c'est un lobby d'avocats conservateurs qui propose le texte suivant. Le corps législatif estime que ce sera à la politique publique de cet État de protéger ses citoyens de l'application de lois étrangères. Donc voilà, on n'a plus Sharia ou Islamic Law, mais on a Foreign Law. Donc c'est une expression qui, a priori, est neutre. Et on avait eu le même déplacement en 2004 en France, quoi, une sorte de déplacement vers une expression d'apparence plus neutre. Mais ce qui s'est passé lorsque, dans un certain nombre de législatures, des gens qui étaient influencés par tous ces lobbies ont commencé à proposer qu'on mette au vote ce type de projet de loi, c'est que les hommes d'affaires sont montés au créneau en disant « Attendez, votre projet, c'est quand même un peu compliqué parce que s'il passe, ça risque de mettre en péril notre capacité à faire un contrat, par exemple, avec une compagnie française. » Donc, les gens ont dit « Pas de problème, on va mettre une clause comme quoi ça ne concerne pas les contrats d'affaires, etc. » Puis, les églises sont montées au créneau en disant « Oui, mais bon, nous, si on a dans nos conflits familiaux qu'on doit faire référence au droit canon ou qu'on a affaire, par exemple, à un ministère religieux qu'on veut renvoyer d'une école, etc., est-ce que ça concerne le droit canon ?» On rajoute une clause comme quoi ça ne concerne pas le droit canon, etc., etc., etc. Si bien qu'au bout du compte, les seuls qui sont concernés, c'est quand même les musulmans. C'est-à-dire que vous avez ce texte qui est d'apparence neutre, puis en note de bas de page, une série d'exceptions, les hommes d'affaires, les catholiques, les protestants, mais restent les musulmans et les juifs. Et ce qui est intéressant, un une conséquence non prévue de ce mouvement anti-charia, c'est un rapprochement timide, hein, mais quand même réel, entre des leaders d'organisations juives et musulmanes, parce que les juifs sont montés au créneau en disant « bah oui, mais la halakha, c'est comme la charia ». Donc si on passe ça, ça va aussi nous empêcher de pratiquer notre religion, d'avoir recours à des beddin pour les affaires de divorce, d'avoir la nourriture cachère, etc. Et donc, bon, c'est en train de s'amorcer, mais je pense que ce serait intéressant de voir où cette conséquence imprévue de ce mouvement mène. Alors, je vais m'arrêter là pour le mouvement anti-charia et passer maintenant à un deuxième... J'ai encore combien de temps ? 5-10 minutes. 5-10 minutes, d'accord. Bon, on pourra y revenir dans la discussion. Ouais, ouais. Passer à un deuxième exemple de manifestation anti-musulmane. Mais qui cette fois est plus par le bas que par ces organisations très déterminées et organisées. C'est l'histoire de l'opposition à la mosquée d'une petite ville dans le Tennessee qui s'appelle Murfreesboro. On a affaire à une petite communauté musulmane qui est installée depuis une trentaine d'années dans cette petite ville, qui compte environ une centaine d'églises et aucune mosquée, mais simplement un petit appartement où les gens avaient l'habitude de se réunir pour prier. Puis au bout de quelques années, ils ont collecté de l'argent et décidé de construire une mosquée. Alors, sur la photo là, vous voyez la maison à gauche qui est une église, quoi. En fait, il y a des églises partout, dont une énorme église pentecôtiste de 6000 personnes à 5 minutes de route de cette église. Ce qui est intéressant dans l'affaire de l'opposition des habitants de cette petite ville de Murfreesboro à la construction de la mosquée, c'est qu'ils ont, là encore, mis en avant l'argument selon lequel l'islam n'est pas une religion, mais une idéologie totalitaire selon lequel si on autorise la construction de la mosquée, ça va servir de terrain d'entraînement et de formation à des terroristes. Bon, argument qu'on retrouve également souvent en Europe. Donc avant que la mosquée commence à être que les travaux de construction soient entamés, Sur ce terrain, vous avez toujours eu des signes du style « not welcome » ou des coups de feu qui ont été tirés, des jets de toutes sortes de choses sur le terrain. Finalement, au bout d'une controverse très éprouvante, d'un certain nombre d'auditions menées par la commission urbaine de la ville, la mosquée a pu être construite. Ce qui m'a paru intéressant dans cette controverse, c'est là encore le fait qu'elle fait apparaître une opposition entre des conceptions radicalement opposées de ce que doit être la démocratie. Je m'explique. La personne qui est à l'origine de toute cette mobilisation contre la mosquée, c'est un homme qui, pour la petite histoire, était marié à une femme musulmane dont il a divorcé. Est-ce que ça a joué sur ses opinions personnelles ? On ne sait pas, mais bon. Qui, un beau jour, voit dans le journal, local, que l'autorisation pour la construction d'un centre islamique a été donnée. Et... il va dire, mais comment ça? Pourquoi ça sort d'où? Moi, j'étais pas au courant. Quand est-ce que la commission urbaine de la ville a donné cette autorisation? Et donc, il se renseigne. Et là, il se rend compte que le jour où la commission urbaine de la ville a discuté de si oui ou non on allait donner le permis de construire à la communauté musulmane locale, il n'avait pas été prévenu. Il commence à dire c'est inadmissible, je comprends pas pourquoi les habitants de la ville de Murfreesboro n'ont pas été a prévenu en bonne et due forme de la tenue de cette réunion à la commission électorale. Et donc son argument, ça va être, bien sûr, après, l'islam n'est pas une religion, blablabla, mais ça va d'abord être de dire, il y a un vice de procédure, on ne nous respecte pas, là encore, les habitants, la population locale n'est pas consultée en bonne et due forme, n'a pas sa part dans la décision collective, et on nous méprise, on ne prend pas en compte nos préférences dans la volonté collective. Cette opposition entre, là encore, une conception populiste de ce que doit être le choix démocratique, la majorité de la ville est contre, donc on ne fait pas la mosquée, et en plus, nous n'avons pas été consultés en bonne et due forme. Et de l'autre côté, l'argumentaire des responsables et des membres de la commission urbaine qui disent on n'est pas obligé de donner le menu exact de réunion de chaque réunion municipale. Il y a la liberté religieuse, ils ont le droit de construire une mosquée à cet endroit, il n'y a pas de problème. Là encore, on a ce qu'on a à faire à cette opposition. Est-ce que j'arrête ici ou j'ai encore 5 minutes pour 3 minutes, ok, je pense. C'est la négociation. Alors, un dernier exemple d'expression de ces sentiments anti-islam dans le secteur de la justice manifesté très clairement dans la multiplication des procès d'individus accusés de soutien matériel à une activité terroriste ou à une conspiration terroriste. Alors là, c'est plus indirect comme manifestation, parce que vous n'avez pas des juges qui vont dire l'islam n'est pas une religion, mais on n'est pas loin. Alors, il faut revenir pour comprendre la façon dont s'expriment les manifestations anti-musulmans sur la généalogie du concept de terrorisme, qui est, là je vous renvoie au livre excellent de Lisa Stankinski, Disciplining Terror, How Experts Invented Terrorism, où elle montre qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que bon, ce concept de terrorisme est assez récent, il est né dans le champ universitaire américain dans les années 70, mais qu'à partir des années 90, on assiste à un changement intéressant, au sens où ce qu'on appelait avant la contre-insurrection dans le contexte de la guerre du Vietnam et tout s'appelle désormais le terrorisme, et que l'étude du terrorisme est telle que une évaluation morale de l'action terroriste est nécessaire. On ne peut pas étudier le terrorisme en s'intéressant au contexte politique dans lequel a lieu l'action dite terroriste. On ne peut pas s'intéresser aux motivations, aux implications, etc. Ce qu'elle montre, c'est comment l'évaluation morale devient presque une obligation pour les chercheurs qui s'intéressent à l'action terroriste. Un autre concept qui est important autour de cette problématique de l'islamophobie, c'est celui de radicalisation, qui émerge à partir des années 2004, où un certain nombre d'experts du terrorisme vont dire « Bon, d'accord, c'est vrai, on ne peut pas trop s'intéresser aux motivations parce que c'est pas... » ça nous mènerait sur un terrain dangereux qui peut-être considérait que expliquer c'est exonérer, donc vous inquiétez pas, on va pas faire ça, mais quand même il faut bien qu'on fasse un peu plus que juste condamner moralement. Donc on va créer ce concept de radicalisation pour comprendre comment des individus en viennent à mener une action terroriste. Et alors, cette approche par la radicalisation a lieu dans un contexte post-2001 qui peut se caractériser par l'avènement de l'approche par la prévention. Vous vous avez tous entendu parler de ces débats sur la guerre préventive, etc., qui est bien résumée par cette phrase de Ron Suskind: même s'il y a juste 1% de chance que l'inimaginable se produise, il faut agir comme s'il s'agissait d'une certitude. Et cette approche par la prévention influence véritablement la conceptualisation de l'idée de radicalisation. Et de l'étude et des jugements des terroristes. Cette approche par la radicalisation reste tout à fait indifférente à la question du politique. On ne s'intéresse pas au contexte politique dans lequel a lieu l'action concernée. Ça reste tabou. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on individualise complètement, on décontextualise complètement l'action considérée. On s'intéresse à la psychologie de l'individu pour montrer en général que c'est un individu instable, problématique, qui a un terrain, il a subi des humiliations, etc. On s'intéresse à la théologie, donc c'est là que vraiment la question de l'islam intervient, pour montrer que l'individu concerné, à un moment donné, parce qu'il était psychologiquement défaillant, s'est tourné vers des interprétations extrémistes de la théologie. Et on s'intéresse au réseau social informel pour mettre en avant cette idée de l'auto-recrutement. C'est-à-dire, c'est un groupe de paumés sur Internet, et ils se fréquentent, et c'est comme ça qu'ils s'auto-recrutent. C'est vraiment un peu les trois piliers de l'approche par la radicalisation. En avril 2012, un homme qui s'appelle Tarek Mehanna, qui est un Américain de 29 ans d'origine égyptienne, est condamné à 17 ans et demi de prison pour avoir traduit des textes plus ou moins liés à Al-Qaïda, les textes. Et c'est tout. Alors, ce procès est extrêmement intéressant parce que les avocats, les gens qui ont pris parti pour Mehanna au début ont dit « Attendez, on ne peut pas condamner quelqu'un à 17 ans et demi de prison parce qu'il a traduit quelque chose. » Il y a quelque chose aux États-Unis qui s'appelle le Premier Amendement qui garantit la liberté d'expression. Le juge qui est souverain dans son choix pour décider au nom de quoi on va faire le procès, a dit non, c'est pas une affaire de liberté d'expression. On ne parlera pas de cette question de savoir si c'est conforme à la liberté d'expression. Moi, je décide que c'est une affaire de soutien matériel. Alors, soutien matériel, ce n'est pas un terme profane, c'est un terme juridique qui vise à criminaliser un certain nombre d'actions. Mais simplement, le problème de cette action de soutien matériel, de cette notion de soutien matériel, c'est qu'elle est suffisamment floue pour inclure ou exclure des actes selon un peu les circonstances. Donc, un des premiers problèmes de ce procès, c'est que c'est la décision souveraine du juge qui consiste à dire « Je ne jugerai pas cette affaire à partir de la question du Premier Amendement, mais à partir du concept de soutien matériel. » Ce qui est alors en jeu au moment du procès, pour la défense et le procureur du gouvernement, c'est de déterminer si oui ou non le fait de traduire des textes, quand Mehanna traduise les textes X et Y, est-ce que ce qu'il fait, c'est véritablement du soutien matériel à Al-Qaïda ou non ? Et c'est là que ça devient très complexe et intéressant, dans la mesure où tous les experts qui ont témoigné pour le compte de la défense ont réussi à démontrer qu'en réalité, c'était pas du tout du soutien matériel. Premièrement, parce que les commentaires postés par Mehanna sur différents sites montraient qu'en réalité, il avait plutôt une fonction de modération en disant des choses comme, par exemple, quand un musulman vit à l'étranger, par exemple aux États-Unis, il a signé un contrat indirectement tel qu'il faut qu'il respecte un minimum les règles de la société dans laquelle il vit. Donc les experts de la défense vont dire ça, c'est pas une idée que défend Al-Qaïda. Ils vont montrer également que les textes qu'il avait traduits n'étaient pas des textes avec Al-Qaïda, d'Al-Qaïda, et ils vont montrer surtout que, parce que le concept de soutien matériel dit qu'il faut qu'il y ait une action coordonnée, okay, une coordination, qui est aussi un concept juridique, pas profane. Coordination, ça veut dire qu'il y a un individu qui fait quelque chose en coordination avec quelqu'un d'autre. Bon, sauf que dans l'affaire de Mehana, on a Mehana, mais on n'a pas réussi à déterminer s'il y avait des quelqu'un d'autre qui lui avait donné des ordres directs de faire ceci, d'agir comme ça. Donc on n'est pas capable de prouver qu'il y a vraiment eu une action coordonnée. Donc selon les gens de la défense, il n'y a pas d'action coordonnée, c'est qu'il n'y a pas vraiment de soutien matériel. Mais le procureur général et l'expert qui a témoigné pour le compte du procureur général et qui a, parenthèse, travaillé pour le think tank de Stephen Emerson, qui est un des grands experts de la désinformation et acteur de l'islamophobie, va utiliser cette approche de la radicalisation et dire « Mehana, il avait un profil psychologique un peu défaillant, il avait une interprétation théologique extrémiste et il faisait partie d'un réseau social, donc ça suffit pour un réseau social sur Internet, il était copain avec... un gars qui s'appelait Irhabi 007, Irhabi, pseudo-Irhabi, ça veut dire en arabe terroriste. Bon, ça montre qu'il était, qu'il coordonnait avec Al-Qaïda, conclusion, 17 ans et demi de prison. Il a fait appel, et le juge de la cour d'appel, Bruce Seyla, donc Awad, dit ceci dans son jugement. Le terrorisme est l'équivalent moderne de la peste bubonique. C'est une menace existentielle. Aussi, ce n'est pas un hasard si les efforts du gouvernement pour combattre le terrorisme seront féroces. Il continue en disant « Un accusé ne devrait pas être surpris si la preuve de sa participation, etc., heurte, donne lieu à la présentation de preuves qui offensent les sensibilités des gens civilisés. » Et il continue « Un procès terroriste, ce n'est pas comme prendre le thé à Buckingham Palace. » Donc, on est quand même en situation de... Même si on n'a pas une phrase comme « L'islam n'est pas une religion », des phrases aussi claires que les membres du mouvement anti-sharia ou des anti-mosquées le disent, on a quand même là de quoi se poser des questions sur l'indépendance de la justice et les effets d'un discours islamophobe, y compris dans le secteur de la justice. Bon, excusez-moi d'avoir parlé un peu longtemps. Merci pour votre attention. Et je prends vos questions.